Ce train d'éducation fut interrompu par un accident dont les suites ont influé sur le reste de ma vie. Mon père eut un démêlé avec un monsieur Gauthier, capitaine en France et apparenté dans le conseil. Ce Gauthier, homme insolent et lâche, saigna du nez et, pour se venger, accusa mon père d'avoir mis l'épée à la main dans la ville. Mon père, qu'on voulut envoyer en prison, s'obstinait à vouloir que, selon la loi, l'accusateur y entra aussi bien que lui. N'ayant pu l'obtenir, il aima mieux sortir de Genève et s'expatrier pour le reste de sa vie que de céder sur un point où l'honneur et la liberté lui paraissaient compromis. Je restai sous la tutelle de mon oncle Bernard, alors employé aux fortifications de Genève. Sa fille aînée était morte, mais il avait un fils de même âge que moi. Nous fûmes mis ensemble à bosser, en pension, chez le ministre Lambercier, ministre signifie pasteur, pour y apprendre, avec le latin, tout le menu fatras dont on l'accompagne sous le nom d'éducation.